Vous devez avoir écouté tous les autres enregistrements précédents, ouais. Sinon, danger, ouais. Vous devez avoir pratiqué la sortie en astral dans votre chambre, ouais. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de vivre d'une façon totale cette sortie, il est préférable de la pratiquer souvent, ouais. Cela facilitera une sortie plus intéressante, ouais. Couché dans votre lit, seul, ouais, les jambes décroisées, les bras étendus le long du corps, couché sur le dos, ouais. On respire profondément. Quatre fois, lentement, ouais. Nous allons faire une sortie astrale et nous allons retourner un peu dans le temps, ouais, dans le passé. Je vous accompagnerai, ouais. Car je suis toujours dans l'astral, ouais. Et quel que soit le temps où vous ferez ce voyage, je serai là, ouais, pour vous aider. Mais sachez que je ne vous accompagnerai pas toujours, non. Seulement lorsque vous écouterez ces enregistrements, ouais. Car je ne dois pas devenir votre maître, non, mais seulement un guide, une aide pour vous instruire, pour vous initier au voyage astral. Ouais. Car libre je suis et libre je reste. Ouais. Je rappelle que vous ne devrez jamais faire de voyage astral dans des buts égoïstes, car il y a des conséquences karmiques à cela, ouais. Et maintenant que vous êtes au courant, je suis totalement détaché des assujettis de votre karma, ouais. Cela est entre vos mains. Voyage astral, ouais, dans le passé. Relaxez. Retrouvez le corps imaginaire, le corps d'énergie. Bougez la main droite. Le bras droit, pliez-le. Et il ne doit y avoir aucun mouvement musculaire. Levez lentement l'épaule énergétique. Relaxez. Bougez la main gauche. Pliez le bras énergétique gauche. Mouvement de l'épaule, ouais. Bougez le pied imaginaire droit. Ouais. Levez la jambe droite. La jambe imaginaire, évidemment. Pliez-la. Ouais. Déposez, relaxez. Bougez le pied gauche. lever et plier la jambe gauche. Oui. Déposer. Relaxer. Maintenant, essayez de bouger le bassin du corps imaginaire. Relaxez, oui. Pour plusieurs personnes, il y a toujours une région particulière du corps qui est difficile à bouger, oui. Certains, c'est la tête. D'autres, le plexus solaire, oui. Vous devrez vous entraîner à libérer cette partie s'il y en a une. Bougez la tête imaginaire. Levez-la. Lorsque vous bougez la tête imaginaire, vous devez être dans la tête qui lève. Oui. Relaxez. Tournez la tête à gauche. À droite. Souvent, vous devrez pratiquer cet exercice. Oui. Maintenant, avec moi, visualisez votre chambre. Observez le lit. Observez les murs. Ouais. Visualisez votre chambre. Si vous avez encore de la difficulté parce que vous revenez régulièrement dans votre corps, repratiquez l'enregistrement de la cassette précédente. Ouais. Sinon, on poursuit. Observez votre chambre. Approchez-vous du bureau ou de la porte ou de la fenêtre. Observez les détails. Ouais. Avec moi. Montez, traversez le plafond. Nous nous retrouvons à l'extérieur de la maison. Ouais. À l'extérieur. En haut du toit. Ne retournez pas dans votre corps. Ouais. Nous sommes à l'extérieur, en haut du toit. Ne vérifiez pas la véracité de ce que vous percevez. Non. Plus tard. Observez l'extérieur. Comment est-il? Voyez-le. Observez-le. Voyez, à votre droite, il y a une chose. C'est l'extérieur de votre maison. Oui. Observez. Quelle température il fait? Avez-vous l'impression de chaleur ou de froid? Vous ne gelez pas. Vous n'avez pas chaud. Mais vous sentez l'air. Maintenant, venez avec moi. Il n'y a pas de danger car nous resterons dans la matière akashique. Nous ferons un voyage dans le passé. Oui. Mais dans la matière du passé. Uniquement pour pratiquer. Oui. Venez avec moi, nous allons nous élever dans les airs. Oui. Observez la maison qui diminue. Observez les rues autour de vous. Observez. Vous êtes loin. La planète s'éloigne. Oui. Il y a un oiseau qui vient de passer. Observez. Nous sommes très haut. Oui. Là où les avions passent. Je ne vous décrirai pas tout, car vous devez voir de vos propres yeux. Y a-t-il des nuages? Voyez-vous clair? Y a-t-il un avion? Ouais. Ne restez pas autour de l'avion. S'il y en a une. Nous nous éloignons. Nous sommes en orbite autour de la planète. Oui, il y a un satellite qui vient de passer tout près. Regardez la planète. Regardez la planète. Il y a des nuages. Il y a des percées. On voit le continent. Oui. Nous allons maintenant tourner un peu autour de la planète, car la vitesse astrale n'est pas limitée. Et nous allons choisir un endroit, un continent, un pays, et nous allons redescendre. Oui. Nous allons choisir l'Égypte. L'Égypte des pharaons, oui. L'Égypte des pyramides. Parce que les voyages astrales, on faisait dans ce temps. Oui. Tournons lentement au-dessus de la planète. Ah, remarquez, nous sommes présentement au-dessus du continent, l'Afrique. Oui. Il y a des nuages, mais on peut voir le Nil. Pour choisir un temps dans le passé, c'est simple. Il faut se projeter directement dans ce temps, en visualisant le décor de ce temps, soit les personnages, leur habillement, le mode de transport, quelque chose du temps. Ouais. Descendons à terre. Il y en a qui sont déjà... Voyage astral. Ouais, petit voyageur pressé. Et voilà, nous sommes au sol. Il y a de l'agitation autour de nous, ouais. Il y a des hommes, des femmes qui bougent, des enfants, des chevaux. Ouais, des animaux. Observez quel animal vous voyez. Vous êtes en Égypte, ouais. C'est simple, le voyage astral. Ce qui est compliqué, c'est de conscientiser la sortie. Observez autour de vous. Ouais. Observez, que voyez-vous? Regardez la dame qui vient par ici. Quelle est la couleur de sa peau? Regardez son vêtement. Se cache-t-elle le visage ou non? Il y a un chameau. Observez. Au loin, on peut percevoir, sur la gauche, le sommet des pyramides. Khéphren, Mykérinos, Khéops. N'y allez pas, pas tout de suite. Patience. Observez, ouais. Percevez la température, l'odeur, l'humidité. Écoutez les bruits. Je me tais et je vous laisse un peu bénéficier. Ouais. Ouais. Maintenant. Ouais. Nous allons pénétrer dans le corps d'un spectateur. Ouais. Il ne faut pas, dès le début, vouloir, par exemple, placer sa conscience astrale dans le corps d'un jouteur, c'est-à-dire d'un chevalier, avec sa lance, sur son destrier, fonçant vers son adversaire. Non. Parce que, laissez-vous le temps d'expérimenter calmement le voyage astral avant de vouloir l'aventure, oui. Parce que le voyageur de l'astral ne recherche pas l'aventure. Non. Il veut de l'information. Il se contente d'être observateur. Oui. Voilà. Observez autour de vous. Trouvez quelqu'un qui est spectateur ou spectatrice, oui. Cheminez vers elle. Voilà, approchez d'elle. Par en arrière. Pénétrer à l'intérieur de son corps et hop, voilà que vous pouvez voir par ses yeux. Servez-vous de ses oreilles. Vous entendrez mieux, ouais. Et observez la joute. Voilà. Observez Sentez. Écoutez. Quand je dis d'écouter, faites un effort pour percevoir les sons. Quand je dis sentez, percevez les odeurs, ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Et, quel que soit le son que l'on entend, on ne doit pas trop y porter attention. Entendez-vous le bruit des armures? Le brouhaha autour de vous? L'odeur forte? Oui. Lorsque vous ferez des voyages en solitaire, c'est-à-dire sans ma présence, seul, sans mon aide, vous resterez le temps que vous voudrez, ouais. Vous êtes présentement en Angleterre. Et l'ajoute avance. Nous allons maintenant nous élever dans l'air, flotter. Ouais. Montons. Regardez le château. Vu par un oiseau. Ouais. Ouais. Vous devez devenir suffisamment conscient de ce château et du paysage, des gens qui arrivent, des gens qui partent, du chariot renversé là-bas, avec la roue brisée, ouais. Ouais. Montons. Éloignons-nous, traversons les nuages. Et voilà, nous sommes en orbite, ouais. Ce voyage semble court. Il l'était. Ouais. Car je dois vous instruire de certaines autres choses pour faire de vous des voyageurs de l'astral. Nous sommes toujours dans le monde astral, en orbite, ouais. Plus tard, vous verrez comment jouer avec l'astral et comment contrôler ce monde d'une certaine façon. Mais là, revenons dans le corps physique. Revenons dans le corps physique. Comment? C'est simple. Visualisez votre chambre. C'est la clé du départ. C'est la clé du retour. Ouais. Et entrez dans votre corps. Ou encore, soyez déjà dedans. Telles sont les possibilités de l'astral. Et voilà que vous vous étirez. Ouais. Étirez. Ouais. Ouais. Ouais. Ce voyage astral est à répéter, à recommencer. Impatient, vous ne devrez pas être, non. Car cela vous nuirait. Chaque fois que vous retournerez en Angleterre, dans cette joute, écoutez d'autres bruits. Je n'ai pas spécifié l'année. Vous avez donc énormément de possibilités de changement à l'intérieur de cette limite. Ouais. Voyez des détails que vous n'aviez pas vus. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Vous devez garder à l'esprit que la pratique de la visualisation de la chambre, du voyage en Égypte et de la visite du château anglais font partie des bases mêmes de l'apprentissage du voyage dans l'astral. Si nous pratiquons l'Égypte, c'est parce que les plus grands maîtres, initiateurs des voyages astraux ont vécu à cette époque et vous pouvez fortement bénéficier de l'atmosphère astrale de ce temps. si nous avons visité l'Angleterre à l'époque de la chevalerie, ouais, c'est qu'à l'époque, deux mondes parallèles se côtoyaient. Le monde d'un roi, ainsi que le monde de la magie, le monde de l'astral. Ces deux voyages faciliteront pour vous l'apprentissage agréable, sans danger, du voyage dans l'astral. Jamais vous ne devez vous laisser assujettir par une entité astrale. Jamais vous ne devez faire confiance au monde astral. Le monde astral est illusion. Et vous êtes suffisamment averti pour que le karma de votre ignorance ou du manque de volonté soit remis entre vos mains. Si vous n'appliquez pas ce que je dis. Ouais. Aucun danger il y a si l'on fait le voyage astral, comme je le dis. Ouais. Ouais. Ne pas faire confiance aux maîtres que vous rencontrerez dans l'astral, car ce ne sont pas des maîtres, mais de la mémoire de maîtres. Même si cela vous parle, même si cela vous dicte des choses, on ne doit pas leur faire confiance. On doit les écouter et juger de par nous-mêmes, une fois réveillés, et ne pas se fier dans notre jugement à l'intensité du voyage astral ou à la lumière de ce maître. Ainsi, il en sera lorsque vous rencontrerez des choses plutôt noires, des choses maléfiques. Ils n'ont aucun pouvoir sur vous si vous ne leur faites pas confiance. Et lorsqu'on ne fait pas confiance à des choses négatives, eh bien, on n'a pas peur. Ouais. Alors, il n'y a pas de danger. Ouais.